c'est d'être le premier look de la classe dès le premier jour d'école. Vêtements, chaussures, accessoires, c'est la rentrée chez Kiabi. La mode et le fun à tout petit prix. Comme le look complet au plus bas, fille ou garçon, à partir de 10 euros. Oui, oui, 10 euros. La rentrée par Kiabi du 29 août au 11 septembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. À 9 mois de la Coupe du Monde féminine de football en France, suivez en exclusivité sur W9 tous les matchs de préparation de l'équipe de France en clair et en direct. Premier match, France-Mexique, présenté par Karine Galli avec les commentaires de Denis Balbir et Camille Abili. Demain à 20h45, en direct et en exclusivité sur W9, diffuseur officiel de l'équipe de France féminine de football. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Qui veut un nouveau smartphone ? Jusqu'à demain chez Auchan et sur Auchan.fr, le smartphone Samsung Galaxy S7 est à seulement 349,90€ au lieu de 549,90€. Et Samsung vous rembourse 70€ en différé, soit 279,90€ le Galaxy S7. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Dont 2 centimes d'éco-participation, kit main libre recommandé. DAS 0,264 watts par kilo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Tout au long de la journée, RTL2, le son pop rock partout en France. Et des flaques, mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et toi

Arrête, Tom. On sera jamais sans là. Nirvana sur RTL2, voici la nouveauté du jour. Il est 16h presque 32 minutes. Mathilde, on parle alors de deux superstars, hein, Cat Power et Lana Del Rey. Tu connais Cat Power, tu l'aimes bien. Ouais. Bien. J'adore sa voix. Surtout les, elle a fait des chansons, elle a fait des remixes, des trucs comme ça. C'est vachement intéressant. Effectivement, c'est une chanteuse américaine à une voix qui a une voix de velours et qui revient à l'automne le 5 octobre précisément avec son premier album depuis 6 ans. Il s'appelle Wanderer. C'est une collection, un voyage d'instantané d'une chanteuse à la fois folk, blues, qui revient en fait à l'origine de la musique folklorique américaine. Wander, c'est l'errance, et justement Cat Power, elle revient sur les vagabonds qui traversent les grands espaces nord-américains, la genèse finalement de ce qu'est la folk music. Ouais, il y a un album qui s'appelle Monsieur Gainsbourg Revisited, dans lequel justement elle reprend une chanson de Gainsbourg, elle est absolument fantastique. Woman, c'est un nouvel extrait qui est notre chanson du jour. Elle s'y associe avec Lana Del Rey, pour qui elle avait ouvert la dernière tournée européenne. Donc on se balade de ville en ville avec Cat Power, et nous aussi un peu avec notre guitare sur le dos finalement et notre baluchon, et on prend le temps et c'est beau, et c'est sur RTL de Woman, Cat Power et Lana Del Rey. La nouveauté du jour choisie par la patronne. Salut, ça commence à rentrer.